Chapitre 212. Le mérite des prières nocturnes. Allah Ta'ala dit: Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des salates facultatives, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Sourate 17, verset 79. Ils s'arrachent de leur lit. Sourate 32, verset 16. Ils dormaient peu la nuit. Sourate 51, verset 17. 1160. Selon Aïcha, radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam accomplissait tellement de prières nocturnes que la plante de ses pieds se fendillait. Elle l'interrogea alors: pourquoi tout cela, ô messager d'Allah, alors que tes péchés passés et futurs t'ont été pardonnés? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ne m'appartient-il pas d'être un serviteur reconnaissant? Al-Bukhari et Muslim. Un hadith identique a également été rapporté par Al-Mughira ibn Shu'ba. 1161. Ali, radiallahu anhu, a dit: le prophète, alayhi salatu wassalam, nous rendit visite une nuit à moi et à Fatima et nous dit: ne veillez-vous pas en prière? Al-Bukhari et Muslim. 1162. Salim, le fils de Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhum, d'après son père, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: quel homme que Abdullah, si seulement il priait la nuit. Salim ajouta: depuis ce jour, Abdullah dormait très peu la nuit. Al-Bukhari et Muslim. 163. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit: ô Abdullah, ne sois pas comme un tel qui veillait la nuit en prière puis a abandonné ses prières nocturnes. Al-Bukhari et Muslim. 1164. Selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le cas d'un homme qui avait dormi toute la nuit jusqu'au matin fut cité devant le prophète alayhi salatu wassalam qui dit: c'est un homme dans les oreilles ou dans l'oreille duquel Satan a uriné. Al-Bukhari et Muslim. 1165. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Satan fait trois nœuds sur la nuque de l'un d'entre vous quand il dort en disant sur chacun de ces nœuds: tu as une longue nuit devant toi, alors dors. S'il se réveille et évoque Allah Ta'ala, l'un des nœuds se délie. S'il effectue les ablutions, le deuxième se dénoue, et s'il accomplit une salate, le dernier se dénoue également. Il se réveille alors actif et de bonne humeur. Sinon, il se réveille de mauvaise humeur et plein de paresse. Al-Bukhari et Muslim. 1166. Selon Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ô gens, saluez-vous les uns les autres fréquemment, donnez à manger aux pauvres et priez la nuit alors que les gens dorment, vous entrerez alors au paradis en toute sécurité. At-Tirmidhi a dit: hadith Hassan Sahih. 1167. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: le meilleur mois pour jeûner après celui de Ramadan est le mois de Muharram, et la meilleure prière après la prière obligatoire est la prière nocturne. Muslim. 1168. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la prière nocturne s'accomplit par paire de deux raka'a, mais au moment où tu crains l'arrivée de l'aube, termine par une seule raka'a, witr. Al-Bukhari et Muslim. 1169. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, priait la nuit par paire de deux raka'a avant de conclure par une seule raka'a, le witr. Al-Bukhari et Muslim. 1170. Anas, radiyallahu anhu, a dit: le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, mangeait au cours des journées d'un mois donné au point que nous pensions qu'il n'en jeûnait aucune. Et il jeûnait au point que nous pensions qu'il le consacrait entièrement au jeûne. De même, celui qui désirait le voir en prière la nuit l'y voyait effectivement, et celui qui voulait le voir endormi le trouvait effectivement ainsi. Al-Bukhari. 1171. Aïcha radiallahu anha a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait, elle voulait dire la nuit, 11 rakaat, au cours desquels il se prosternait le temps qu'il faut à l'un d'entre vous pour lire une cinquantaine de versets, avant de relever la tête. Il avait l'habitude de faire 2 rakaat facultatives avant la prière obligatoire de l'aube, après quoi il s'allongeait sur le côté droit jusqu'à ce que le muezzin vienne l'informer de l'imminence de la salat. Al-Bukhari. 1172. Aïcha, radiallahu anha, a dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne priait pas plus de 11 rakaat la nuit, que cela soit pendant ou en dehors du mois de Ramadan. Il en accomplissait 4, nul besoin de vous décrire comme elles étaient belles et longues, puis 4 autres tout aussi belles et aussi longues. Puis il terminait par 3 rakaat. Aïcha ajouta: je l'interrogeai, ô messager d'Allah, dors-tu avant de prier le witr? Ô Aïcha, répondit-il, si mes yeux dorment, mon cœur, lui, reste éveillé. Al-Bukhari et Muslim. 1173. Selon Aïcha, radiallahu anha, le prophète, alayhi salatu wassalam, dormait au début de la nuit et se levait pour prier à la fin de la nuit. Al-Bukhari et Muslim. 1174. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, rapporte: j'ai prié une nuit avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Il demeura si longtemps debout que j'ai pensé un moment commettre une mauvaise action. Laquelle, demanda-t-on? M'asseoir et le laisser continuer seul, confia-t-il. Al-Bukhari et Muslim. 1175. Hudhayfa, radiallahu anhu, relate: j'ai prié une nuit avec le prophète, alayhi salatu wassalam, qui entama la prière en récitant la sourate « La vache ». Je me suis dit: il va certainement s'incliner après 100 versets. Mais il poursuivit la récitation. Je me dis: il va certainement la réciter entièrement au cours de la salat, c'est-à-dire la partager entre les 2 rakaat. Mais il continua la lecture. Je pensais alors qu'il s'inclinerait pour le rukou' après avoir terminé cette sourate. Mais il entama la sourate « Les femmes » qu'il lut entièrement, puis la sourate « La famille de Imran » dont il acheva la lecture également. Il lisait soigneusement, en veillant à glorifier Allah à chaque fois qu'il récitait un verset où se trouvait une glorification, comme il prenait soin de l'invoquer ou de rechercher sa protection chaque fois qu'un passage y faisait mention. Puis il s'inclina pour le rukou' en disant « Subhana Rabbi al-Azim »« Gloire à mon Seigneur le Très Grand ». Son rukou' était aussi long que son qiyam, sa position debout. Puis il dit: Sami' Allahu liman hamida, Rabbana walak al-hamd. Allah entend celui qui le loue, ô notre Seigneur, louange à toi. Il se relevait, puis restait debout presque aussi longuement qu'il s'était incliné. Ensuite, il se prosterna en disant: Subhana Rabbi al-A'la, gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Sa prosternation était presque aussi longue que son qiyam. Muslim. 1176. D'après Jabir, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fut interrogé: quelle est la meilleure des prières? Celle dont le qiyam, la position debout, est le plus long, répondit-il. Muslim. 1177. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: la prière nocturne la plus aimée d'Allah est celle de David, le prophète. Et le jeûne le plus aimé d'Allah, en dehors de Ramadan, est celui de David. Il dormait la première moitié de la nuit, puis passait un tiers en prière et se rendormait le dernier sixième. Et il jeûnait un jour sur deux. Al-Bukhari et Muslim. 1178. Jabir, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: il y a dans la nuit une période durant laquelle tout musulman qui demande à Allah Ta'ala un bien de ce monde ou de l'au-delà est exaucé, et ceci chaque nuit. مسلم. 1179 D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Entamez vos prières nocturnes par deux légères raka'at. » Muslim. 1180 Selon Aisha, radiallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de débuter ses prières nocturnes par deux légères raka'at. Muslim. 1181. Selon Aisha, anha, lorsque le messager d'Allah wassalam, était incapable de prier la nuit en raison, par exemple, de douleur, il accomplissait 12 raka'at le lendemain. Muslim. 1182. D'après Omar ibn al-Khattab, anhu, le messager d'Allah wassalam, a dit Quiconque s'endort sans s'être acquitté totalement ou partiellement de sa prière ou de sa récitation coranique quotidienne, puis le fait entre la prière de l'aube et celle de midi, est récompensé comme s'il s'en était acquitté au cours de la nuit. Muslim. 1183. D'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Qu'Allah fasse miséricorde à l'homme qui se lève la nuit pour prier et réveille sa femme. Si celle-ci refuse de se lever, il asperge son visage avec de l'eau. Et qu'Allah fasse miséricorde à la femme qui agite ainsi avec son mari. Abu Daoud avec une chaîne authentique. 1184. D'après Abu Huraira et Abu Sa'id, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit Lorsqu'un homme réveille sa femme la nuit et que tous deux prient, ou accomplissent ensemble deux raka'at, ils sont inscrits parmi les hommes et les femmes qui évoquent souvent Allah. Abu Daoud avec une chaîne authentique. 1185. Selon Aisha, radiyallahu anha, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit Lorsque l'un d'entre vous s'assoupit dans sa salat, qu'il aille dormir, jusqu'à ce qu'il n'ait plus sommeil. En effet, il se peut qu'il veuille implorer le pardon d'Allah, mais que finalement, il appelle le malheur contre lui-même. Al-Bukhari et Muslim. 1186. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit Lorsque l'un d'entre vous éprouve, au cours de ses prières nocturnes, des difficultés à réciter le Coran, et qu'il n'est pas conscient de ce qu'il dit, qu'il aille se coucher. Muslim. 1187.